بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. خلق الإنسان من علق. Qui a créé l'homme d'une adhérence. اقرأ وربك الأكرم. Lis, ton Seigneur est le très noble, الذي علم بالقلم. Qui a enseigné par la plume le kalam. علم الإنسان ما لم يعلم. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. كلا إن الإنسان ليطغى. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. أرآه استغنى. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. إن إلى ربك الرجعى. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. أرأيت الذي ينهى. As-tu vu celui qui interdit عبدا إذا صلى. À un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salat. أرأيت إن كان على الهدى. Vois-tu s'il est sur la bonne voie. أو أمر بالتقوى. Ou s'il ordonne la piété. أرأيت إن كذب وتولى. Vois-tu s'il dément et tourne le dos. ألم يعلم بأن الله يرى. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. ناصية كاذبة خاطئة. Le toupet d'un menteur, d'un pêcheur. فليدع ناديه. Qu'il appelle donc son assemblée. سندع الزبانية. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi.